Chapitre 14e, le couloir de l'oubli. La venue du comte de Saint-Rion, quoique annoncée sans date fixe, ne devait en somme pas tarder beaucoup ni éloigner le jugement de cette passionnante affaire. Dès maintenant, l'instruction se trouva close définitivement. Le dossier fut envoyé au parquet de Versailles. Il n'y avait plus qu'à attendre l'ouverture, d'ailleurs prochaine, des assises. Maître Thirion avait décidément fait la conquête du farouche père Gervais. Le nombre de bonnes pipes qu'ils fumèrent ensemble dans le préau de l'hôpital était incalculable. Le jeune avocat avait obtenu, avec l'appui de M. Duranton, qu'on gardât Gervais à l'hôpital, bien que guéri, et qu'on ne l'envoyait pas en prison. Gervais s'habitua à marcher avec une canne et il commençait à espérer pouvoir reprendre sa vie des bois et de grand air. « Tu pourras tranquillement braconner chez nous, » lui disaient les gardes, qui souvent venaient prendre de ses nouvelles. Maître Thirion espérait obtenir par lui quelques renseignements sur la tilleuse, mais Gervais n'était au courant que de ce qui se passait dans les bois. « Oh, » dit-il, « j'ai bien aperçu quand elle venait dans les bois cueillir des fleurs, avec une petite fille, une dame blonde, belle comme une femme de rêve. C'est elle qu'on appelle la fée blonde, Madame Madeleine. Elle était si jolie que les branches des arbres semblaient vouloir l'étreindre, que le soleil lui embrassait les cheveux. Les oiseaux lui disaient des chansons nouvelles, et les fleurs s'ouvraient pour elle. La fée blonde. C'est tout ce que le vieux braconnier savait sur la tilleuse. Pendant ce temps, là-bas en Amérique, dans le bungalow blanc de Los Angeles, la seule femme au monde pouvant lutter avec Madeleine, de charme, de beauté, de blondeur, la femme rousse, Miss Hayden, continua avec son mari adoré, Paulin Broquet, sa vie d'amour et de bonheur. Miss Hayden était venue au camp de ses anciens fellows de la plaine, du Far West, et les diggers, les chercheurs d'or, les cow-boys, les Indiens lui firent longuement, affectueusement la fête. Aux femmes, aux Indiennes, elle distribua des parures, de la mamelotterie. Aux hommes, elle donna à qui un fusil, une montre, un revolver, une selle dont il avait envie. En arrivant au camp, elle trouva Darling, assis sur un coussin de peau, tenant gravement son rang, comme une petite reine, ayant devant elle, en demi-cercle, tout le monde en admiration, en adoration. On entendait au loin les éclats de rire de ces grands et rudes hommes, de ces terribles garçons au cœur naïf et bon. Ah, certes, dans ce camp, Darling n'avait rien à craindre, aucune méchanceté humaine ne pouvait l'atteindre. Puis le camp dut partir, navré, désolé, pour regagner la prairie. Et Darling rentra au bungalow sur son poney Shorty, qui lui aussi comprenait la tristesse de sa jeune maîtresse, ne se sentait pas en humeur de galoper comme un grand cheval, mais baissait la tête et laissait tomber lugubrement sa longue queue, sa crinière non frisée. Pugnose, le colossal cow-boy, gardien et esclave de Darling, mâchonnait son bout de cigare, sans même s'apercevoir qu'il était éteint. Ce fut ainsi pendant quelques jours au bungalow blanc. Mais comme nulle tristesse ici-bas n'est éternelle, peu à peu le jardin retentit des éclats de rire de Darling. Au rire de Darling se mêlait le rire de ses sous. Le japonais est un des rares peuples qui sache sourire. Homme, il se discipline et ne rit jamais haut, mais enfant, il se laisse aller à son naturel, et comme tous les enfants du monde, il rit fort. Ses sous semblaient le nouveau jouet de Darling, la grande et merveilleuse poupée dont rêvent toutes les petites filles, qui dort en fermant les yeux, qu'on habillait des habits, qui pourra partager le goûter, le dessert, toutes les friandises, et qui parle et peut courir, qui sait sourire et aussi pleurer pour de vrai. Darling avait donc adopté comme poupée ses sous. Tsuru, la mère du joujou, tout en le surveillant, laissait son fils être la poupée de Darling. Le père, Ayamaki, travaillait dans le jardin du bungalow. Paulin Broquet avait donné au petit ménage japonais un pavillon dont l'ingéniosité et le goût artistique des Nippons avaient fait un logis absolument charmant. Sûr de vivre, sûr du lendemain, sachant dès maintenant sa chère Tsuru, son petit Sessou à l'abri de la misère, du besoin, l'ancien jongleur Ayamaki se donna corps et âme à ceux qu'il avait sauvés, lui et les siens. Paulin Broquet étudia bien son homme, le mit à l'épreuve en diverses occasions délicates et difficiles. Il comprit bientôt qu'il pouvait absolument compter sur lui. De son côté, Ayamaki avait, avec sa finesse et sa prudence de Jap, vu à qui il avait affaire, en quelle bonne main sa chance le mettait après tant de douloureux avatars. Et comme on dit en pays Jap, il défit la toile de son âme et enleva tous les plis où pouvait se cacher un secret. une arrière-pensée. Les deux hommes parlaient franchement entre eux, l'un ayant le droit de demander à l'autre n'importe quel service. « Je crois, dit Paulin Broquet à Miss Hidden, que dans Ayamaki, j'ai comme un extrait de Gabriel et de l'Amorce. Mais ici, dans ce pays, et surtout dans cette mystérieuse Chinatown de San Francisco, bien plus et beaucoup mieux que les deux avisés et fidèles seconds, le Jap Ayamaki pouvait être utile à Paulin Broquet. » Paulin Broquet, en effet, n'avait pas renoncé à découvrir la clé du mystère de la maison du chinois Fuzi. Bien que l'avis de Miss Hidden fût qu'il n'était ni utile ni prudent de poursuivre cette affaire. « Il le faut cependant, cher ami, » dit Paulin Broquet. « Nous avions convenu de ne pas nous occuper de recherches ici, de laisser de côté en Amérique notre captivante, certes, mais absorbante profession. « C'est vrai, » fit Paulin Broquet, « mais j'ai reçu de mes hommes un long rapport. Sur l'affaire de la rivière de la Commère Lyon Barak, sur le menton du petit teuf-teuf marqué d'un Z, sur la main portant à l'index la grosse bague aux Z en rubis. Vous me l'avez donné à lire. Ne trouvez-vous pas cela étrange, ce volet bien dans la note de Zygomar? Précisément. Rien n'est plus facile à un habile et audacieux malfaiteur que d'opérer en prenant les apparences du maître invisible que l'on croit disparu, tué ou grièvement blessé. Sans doute, mais à cette même époque qu'il est survenu, à quelque distance cependant l'une de l'autre, deux affaires dramatiques. Le meurtre de la tilleuse, dont parlent les journaux français, le meurtre du comte de Saint-Rion, et le vol des diamants de la chanteuse, par Zygomar. C'est en effet une curieuse coïncidence. Or, remarquez, cher ami, que c'est à peu de jours près, quand nous avons reçu et les lettres de mes hommes et les journaux français relatant le vol des bijoux et le meurtre de la tilleuse, que nous avons, nous, ici, dans la Chinatown, aperçu lui. C'est vrai. Or, celui, sur le compte duquel nous ne pouvons nous tromper, celui qui est ici, en Amérique, est connu sous le nom de comte de Saint-Rion. Voilà qui est extraordinaire, et voilà ce qu'il faut, ce que je dois, malgré tout, éclaircir. Miss Hidden dit alors, « Faites, mon ami, comme bon vous semblera. » Mais Miss Hidden dit cela avec une grande tristesse et comme prise par un sombre pressentiment. « Pourvu, pensait-elle, pourvu que notre bonheur ne soit pas fini aujourd'hui. » Paulin Broquet donc, comme les chevaux de sang, qui au bout de quelques jours de repos piaffent dans l'écurie, commençait après 3 ou 4 mois de bonheur tranquille à se sentir pris par la griserie de sa profession passionnante. Il appela Ayamaki, avec lui s'assit au bout du jardin sous un massif de fleurs. Après s'être assuré que nul ne pouvait les entendre, les voir seulement, il lui demanda « Vraiment, tu connais bien la mystérieuse Chinatown ?»« Oui, autant je vous l'ai dit qu'un jaune la peut connaître, mais pas aussi complètement qu'un chinois. » « Sans doute, mais tu la connais assez pour passer là où un blanc ne passerait pas, certainement. Pour savoir ce qui se traîne dans ces méandres et pouvoir, toi, sortir du labyrinthe. Absolument. Bref, pour me servir d'aide en cas de besoin et me secourir si cela était nécessaire. Parfaitement. » Ayamaki ajouta, « Si vous étiez entraîné dans les mystères de la Chinatown, je pourrais savoir où vous êtes, ce qu'on fait de vous, ce qu'on exige de vous. Bon. » Je pourrais arriver jusqu'à vous, faire qu'on vienne à votre secours, qu'on vous délivre. Bon, je ne redoute rien pour moi, aucun supplice ne m'empêcherait de parvenir jusqu'à vous. Ça n'irait pas jusque-là. Peut-être, avec les Chinois, on ne sait jamais. » Et Ayamaki ajouta gravement, « Je ne crains pour vous qu'une seule chose, laquelle, le couloir de l'oubli. » Ayamaki s'entêta. Sur sa figure, une pâleur soudaine s'était répandue. Mais Paulin Broquet ne voulait pas s'en tenir là. « Le couloir de l'oubli, » demanda-t-il, « qu'entends-tu par cette appellation singulière ? C'est le nom que les Chinois donnent au chemin qu'ils font prendre à ceux, quels qu'ils soient, jaunes ou blancs, qu'on ne reverra jamais. » Ayamaki précisa, « Il arrive, pour des raisons de politique, d'argent, de trahison, d'amour, de vengeance, que des gens tout à coup disparaissent du monde. Toutes les recherches restent vaines, on ne peut jamais rien savoir de leur sort. On fouillerait les maisons de la Chinatown pierre par pierre, on creuserait le sol en tous sens, qu'on ne trouverait rien. Ces malheureux ont été poussés dans le couloir de l'oubli. » Le Japonais conclut. « Là seulement, je le déclare, non pas moi seulement, mais tous les détectives du monde, tous nous sommes absolument désarmés. Devant le couloir de l'oubli, le monde entier demeure impuissant. » Paulin Broquet écoutait sérieusement. « Il n'y a sur terre qu'un homme, qu'une puissance qui puisse ouvrir la porte secrète du terrible couloir de l'oubli ?» reprit le Japonais. « Un seul, cet homme, Zygomar. »